répéter le pire. J'en ai fait mon serment, je n'ai plus le temps. Et apprendre à partir, quand dans la ligne de mire, en somme le temps, notre accable portant. Les péages ont tout ouvert, les directions à prendre, j'aimerais juste faire le fil. Quand la coupe est pleine, que je cherche mais ne trouve pas, quand l'envie d'y croire disparaît au fil de mes histoires, je vis une nouvelle page dans ce livre. Apprendre à revenir, mais pour qu'on pas le pire. Je fixe.